Chapitre 3e. On frappa à la porte. La dame s'avança rapidement et ouvrit. « Entrez, Thomas. »« S'il vous plaît, madame, le Premier ministre est en bas. »« Faites-le monter, Thomas. »« Maintenant, Charles, vous ne devriez pas vous exciter sur les affaires publiques. »« Soyez bon, froid et raisonnable comme un bon chéri. »« J'ai confiance en vous. » Elle jeta un châle léger sur les épaules du malade. Elle passa dans la chambre à coucher, comme on introduisait le grand homme par la porte du cabinet de toilette. « Mon cher Charles, » dit-il en s'avançant dans la pièce, avec la pétulance de jeune homme qui l'avait rendu célèbre, « je suis sûr que vous vous sentez un peu mieux. Presque prêt à reprendre le harnais, n'est-ce pas? Vous nous avez bien manqué, tant à la chambre qu'au conseil. Les affaires de Grèce provoquent une vraie tempête. Le Times a pris un vilain ton ce matin. « C'est ce que j'ai vu, » dit le malade, regardant son chef en souriant. « Bien, bien. Nous leur ferons voir que le pays n'est pas encore entièrement dirigé par la presse. Nous devons suivre notre voie sans broncher. »« Certainement, Charles, très certainement, » acquiesça le ministre les mains dans les poches. « C'est bien aimable de votre part d'être venu. J'étais impatient d'apprendre ce qui s'est passé au conseil. Pure formalité, rien de plus. À propos, tout va bien pour les prisonniers macédoniens. Remercions-en le ciel. » Nous avons ajourné tout le reste jusqu'à ce que vous soyez parmi nous la semaine prochaine. La question de dissolution commence à presser. Les rapports des provinces sont excellents. Le ministre des Affaires étrangères fit un mouvement et gémit. Nous devrions réellement modifier un peu notre politique extérieure, dit-il. Il me faut répondre à la note de Novikov. Il est habile, mais ses erreurs sont évidentes. Je désire aussi que nous nettoyions la frontière d'Afghanistan. Cette maladie m'exaspère. Il y a tout à faire, mais mon cerveau est comme obscurci. Quelquefois, je pense que c'est la goutte. D'autres fois, j'attribue cet effet au colchic. « Que dit notre autocrate médical ?» dit en riant le Premier ministre. « Vous êtes si révérencieux, Charles. Avec un évêque, on peut se sentir à son aise. Ils peuvent être touchés par des arguments, mais un médecin, avec son stéthoscope et son thermomètre, est chose à part. Vos discours n'ont pas de prise sur lui. Il est très calme au-dessus de vous. » Et alors, naturellement, vous êtes en infériorité devant lui. En bonne santé et fort, on peut lui tenir tête. Avez-vous lu Hahnemann? Quelle est votre opinion sur Hahnemann? Le malade connaissait trop bien son illustre collègue pour le suivre sur ses sentiers détournés où il se plaisait à errer. Pour son esprit sagace et pratique, il y avait quelque chose de répulsif dans ce gaspillage d'énergie qu'entraînait une discussion sur l'Église primitive ou sur les 27 principes de Mesmer. Il avait l'habitude de glisser rapidement sur une invitation à de pareilles conversations et d'en fuir l'occasion. « J'ai à peine jeté les yeux sur ses écrits, » dit-il. « À propos, je suppose qu'il n'y a pas de nouvelles spéciales concernant mon département. »« Ah, j'allais oublier. Oui, il y a quelque chose qui est la cause de ma visite. Sir Algernon Jones a démissionné à Tanger. Voilà un poste vacant. »« Il vaudrait mieux y pourvoir de suite. Plus on tarde, plus il y a de candidats. » »« Ah. » « le patronage !» soupira le Premier ministre. « Chaque poste vacant vous fait un ami douteux et une douzaine d'ennemis positifs. »« Quoi de plus amer que le candidat désappointé ? Mais vous avez raison, Charles. Il vaut mieux pourvoir le poste de suite, d'autant plus qu'il y a de légers troubles au Maroc. Je crois savoir que le duc de Tavistock ambitionne la place pour son quatrième fils, Lord Arthur Sidthorpe. Nous avons quelques obligations au duc. » Le ministre de l'Extérieur s'assit vivement. Mon cher ami, c'est précisément celui que j'aurais désigné. Lord Arthur serait beaucoup mieux à Tanger en ce moment qu'à Cavendish Square, hasarda son chef, avec un mouvement finement interrogateur de ses sourcils. Eh bien, disons à Londres. Il a des manières et du tact. Il était à Constantinople du temps de Norton. Alors, il parle l'arabe. Peu, mais son français est bon. « Puisque nous parlons d'arabe, Charles, avez-vous approfondi Averroès ?»« Non, pas du tout. Mais la nomination serait excellente à tous les points de vue. Voulez-vous avoir la bonté d'arranger cette affaire en mon absence ?»« Certainement, Charles, certainement. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ?»« Non, j'espère être à la chambre lundi. Je l'espère. Vous nous manquez tous les jours davantage. Le Times essaiera de nous faire des niches à propos de cette affaire de Grèce. Un leader, écrivain irresponsable, est une terrible chose, Charles. Il n'y a aucun moyen de le réfuter, quelques absurdes que soient ses assertions. Au revoir. » Lisez pour sonne. Au revoir. » Il serra la main du malade, agita gracieusement son chapeau à large bord et sortit de la chambre avec la même élasticité, la même énergie qu'il y était entré.